Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Salut Lucille. Salut Prudence. Aujourd'hui, tu vas nous parler du spoofing. Oui, le spoofing téléphonique, c'est un nom rigolo qui désigne une technique beaucoup moins fun, consistant à masquer son numéro de téléphone réel, de sorte à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le titulaire du numéro de téléphone utilisé pour ses appels intempestifs est en fait la première victime de cette technique. Pour l'avoir subi, un certain temps, ça se manifeste par des appels de personnes vous disant « Bonjour, vous avez essayé de m'appeler à telle heure ?» et vous répondez de bonne foi « Ah non, non, vous devez faire erreur, je vous ai pas appelé. » La personne insiste et par acquis de conscience, vous vous dites « Je vais quand même vérifier mon journal d'appel. » Et là, vous trouvez rien à leur indiquer. Vous êtes sans doute victime de spoofing. En clair, une société, souvent un centre d'appel, a fait afficher un autre numéro que le sien sur les téléphones des personnes démarchées. Un encadrement est nécessaire car de nombreux usagers du téléphone sont victimes du démarchage frauduleux. Certains décrivent même des dizaines d'appels reçus et un sentiment de harcèlement. Derrière ce démarchage peuvent aussi se cacher des escrocs. Les fraudeurs vont ainsi se masquer derrière votre numéro afin de joindre des personnes dans le but de les faire appeler un numéro surtaxé ou tenter d'extorquer leurs données personnelles. Par exemple, à Toulon, un homme a été dépouillé de 5700 euros. Il pensait échanger avec sa banque, dont le numéro avait été usurpé, et suivant les consignes du faux conseiller, il a divulgué des données et il a même confié sa carte bancaire à un soi-disant agent venu à son domicile. Les auteurs de ces cyberattaques jouent sur la confiance. Un numéro en 06, un numéro connu ou carrément enregistré dans votre répertoire. Est-ce que le législateur s'est emparé de cette question ? Alors oui, depuis le 1er octobre 2024, l'ensemble des opérateurs en France ont l'obligation de couper les appels non conformes, c'est-à-dire dont le numéro n'a pu être authentifié. Pour ce faire, ils ont dû, depuis le 1er juin, mettre en place un mécanisme d'authentification du numéro. Les appels frauduleux seront ainsi interrompus, évitant aux potentielles victimes de recevoir l'appel. Selon le dernier rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, les fraudes par manipulation, dont celle au faux conseiller bancaire fait partie, ont représenté 379 millions d'euros en 2023. Une des faiblesses de cette loi de 2024 est qu'elle ne concerne pour l'instant que les appels passés depuis ou à destination des lignes fixes, alors que la plupart des appels illicites sont émis vers des téléphones portables. Le système ne fonctionne pas véritablement sur mobile ni pour les réseaux d'entreprise. La loi ne concerne pas non plus les appels venant de l'étranger ou encore les appels réalisés sur WhatsApp ou Telegram. Donc si quelqu'un qui nous écoute reconnaît ces agissements, qu'est-ce qu'il doit faire ? Si vous êtes victime de spoofing, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, vous invite à contacter votre opérateur téléphonique pour signaler le problème. Il lui sera possible d'agir selon les cas. Elle suggère également de signaler son cas sur la plateforme J'alerte l'ARCEP. Cela ne résoudra pas le problème, mais c'est un geste citoyen qui permettra d'améliorer la connaissance de cette pratique. Comme le rappelle l'ARCEP, ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et vous pouvez donc déposer plainte pour ces faits en vous rendant au commissariat ou à la gendarmerie. Pour finir, la plateforme gratuite 17 Cyber, lancée en décembre 2024, permet de faire le point sur les différentes démarches à effectuer. On espère que vous en avez appris davantage sur cette pratique et sur la manière d'agir quand on en est victime. On vous retrouve prochainement pour une série consacrée à la transidentité. À bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.